C'est comme glisser sans tomber. Le plus dur, c'est une fois en bas. Pourquoi ? Il faut une bonne raison pour remonter. J'ai des fois du mal à en trouver une. Je vis ma vie en apnée, c'est pour moi le rap n'est qu'un exutoire. Pour éviter de stagner, j'écris mon texte du soir. C'est pour les mecs du square, pour les ex-futures stars. Je gratte le carnet depuis l'acné, alors excuse du retard. Rappeur des profondeurs, amateur de grosses rondeurs. Des boîtes et squat, les watts quand vex doit le crossfader. Une atroce froideur où j'exploite, phrase et fat, phrase étroite. Je croise les droites et la pendule approche 3 heures. Le globe débloque, je me dis qu'il est complètement dingue. Et je colle sur un doc, relatant les conquêtes mandingues. Anti-clope, anti-bloc, anti-tout, même anti-nantigloc. Rappeur anti-glock, je défends les causes complètes sans flingue. Tout dans l'apparence, y'a trop de bomblettes sans fringues. Les MCs paraissent surpris que quand les pompettes s'achlinguent. Tu sais, y'a rien de magique, on finit pas pompettes sans bringues. Les bons sommors sont morts rares comme une compète sans seringue. Bienvenue dans le monde de mes mots. Sortez les tubas, je vous inonde de mes mots. Décide la vie que je vais me faire, douce mes mots. Car on a tous le même verre, mais pas tous la même eau. Bienvenue dans le monde de mes mots. Sortez les tubas, je vous inonde de mes mots. Décide la vie que je vais me faire, douce mes mots. Car on a tous le même verre, mais pas tous la même eau. Je vis dans ma bulle, loin des crabuges et des crapules. Des juges, des capuches, des putes grasses qui se congratulent. De Bruges au Capu, trouve refuge dans mon l'air vocabu. Écluge d'être à Sarko comme le cerveau de Cabu. T'as vu, tu peux te noyer dans le verre d'eau que t'as bu. Les chiens ne regardent pas avant d'aboyer, autant faire don de ta vue. A tout le temps dire que la rue est le berceau de ta vie. Tu vas finir par y dormir avec un verre de vodka vide. À l'heure où le soleil se couche, jeunes oreilles et carlouches. Je tape avec des racistes, de racines pure corneille de souche. Pendant que des prolos, morts de sommeil, se couchent. Et te mangent les groseilles par louche. Et dans l'oseille se mouchent des meufs sur des sons que j'aurais pu écrire. À l'orteil se touche. Si c'est sale rap, alors que mes oreilles se bouchent. Dire qu'au pays des babouches, des gamins monnaie, des cartouches. Mais qu'il y a moins de paix dans mes textes que dans la corbeille de bouche. Bienvenue dans le monde de mes mots. Sortez les tubas, je vous inonde de mes mots. Décide la vie que je vais me faire, douce mes mots. Car on a tous le même verre, mais pas tous la même eau. Bienvenue dans le monde de mes mots. Sortez les tubas, je vous inonde de mes mots. Décide la vie que je vais me faire, douce mes mots. Car on a tous le même verre, mais pas tous la même eau. Où se passer nos anémones, à rêver d'animaux comme anémone. Dans ma démo, y'a pas de Nemo, je vais percer comme ma démon. Car DMC comme un aimant, on retient rien à part le nez. Mon rap, je colle comme un aimant. Au fond de régie, par la Nemo, par la même occasion, par la même cassin. Gare à tes os, garçon, car la même, je t'en cassin. J'ai les verbes assassins, faut faire place à ça. Ce qu'on peut faire blesser le son, toujours faire play, c'est ça. Demande pas de baisser le son, plutôt de baiser le son. Je voudrais pas léser le fond. Et si je m'égare en égo trip, c'est pour que mes gars aient mes go trip comme à l'ancienne. Les lascars et les gothiques, faudrait que je sorte mon visage de l'eau pour remplir mes poumons d'air. Mais je suis accro à l'âge de zoo, l'oxygène est secondaire. Tu vois, si je m'entête à vivre au pays de Jack Mayol, c'est qu'aujourd'hui peut y avoir du plastique sous chaque bagnole. Bienvenue dans le monde de mes mots. Sortez les tubas, je vous inonde de mes mots. Décide la vie que je vais me faire, douce mes mots. Car on a tous le même verre, mais pas tous la même eau. Bienvenue dans le monde de mes mots. Sortez les tubas, je vous inonde de mes mots. Décide la vie que je vais me faire, douce mes mots. Car on a tous le même verre, mais pas tous la même eau. Bienvenue dans le monde de mes mots. Sortez les tubas, je vous inonde de mes mots. Décide la vie que je vais me faire, douce mes mots. Car on a tous le même verre, mais pas tous la même eau. Bienvenue.